Les bâtisseurs qui ont accompli de grands mérites dans la construction de la centrale Kunming de Wonsan ont visité du 26 au 30 avril Pyongyang. Ils ont visité tout d'abord le palais du soleil de Kumsusan, lieu sacré suprême du Tse où sont exposés les corps embaumés du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il avant de leur rendre hommage. Ils ont ensuite visité le musée de la révolution de Mangyongdae, la maison natale du président qui conserve les objets historiques, le cimetière des martyrs révolutionnaires de Taesongsan, où ils ont déposé les bouquets de fleurs devant le buste de l'héroïne anti-japonaise Kim Jong-suk, avant d'observer un moment de silence, le musée de la révolution de Pyeongchang, le musée de la guerre de libération de la patrie et le palais des sciences et techniques. Les bâtisseurs ont passé les jours agréables au muséum, au zoo central, au parc de la jeunesse de Kaesun, au parc aquatique de Munsu et au delphinarium de Lungna, et vu les spectacles de la propagande artistique centrale de la jeunesse et du cirque d'État. Lors des rendez-vous avec les ouvriers et les syndiqués, ils ont déclaré que la construction de leur centrale leur a inspiré la foi immuable selon laquelle l'esprit de se renforcer soi-même est la seule issue.